sont. Mon pipo, mon banjo, voyez comme ils sont beaux. Ce sont tous mes cadeaux. Avec tous mes copains, on est des bouts d'engrain. Chantera sans fin, du soir jusqu'au matin. Mais quand j'étais petit, j'en rêvais chaque nuit.